j'ai fini par me dire que j'étais mort, que je ne pourrais jamais rejoindre le Nord. Jamais te rejoindre, ma belle, que je ne pourrai jamais te rejoindre, ma belle, qu'entre nous, notre histoire est morte. Thank you. Pourrait-on revenir aux origines sans ce fric? Pourrait-on un jour revenir aux origines sans ce fric? Énorme sur ses sans ce gouvernement, ces gens qui gouvernent et qui mentent, je reviendrai simplement être avec toi. Dans le présent, t'aimer sans condition. Tout ce qui fait de toi qui tu es. Tes origines, ta couleur et ton nom. Je t'aime toi et c'est pas. Et c'est pas autrement. Et c'est pas autrement.